Sam le marin veut s'amuser. Sam le marin court partout sur le bateau. Je ne travaille pas aujourd'hui, dit-il. Je vais m'amuser. Sam le marin glisse sur le plancher mouillé. Les autres marins regardent Sam. Nous travaillons. Tu dois nous aider, disent-ils. Non, dit Sam. Aujourd'hui, je m'amuse. Sam saute sur une corde. Il se balance au-dessus du bateau. Mais il va trop vite. Il tombe à l'eau. Plouf! Les marins regardent l'eau. Ils voient Sam. À l'aide, crie Sam. Vite, aidez-moi! Les marins lui lancent une corde. Attrape vite, disent-ils. Sinon, les requins vont te manger. Tiens bien la corde. Les marins tirent sur la corde. Vite, crie Sam. Les requins arrivent. Remontez-moi. Je vais vous aider. Les marins remontent Sam sur le bateau. Voici la vadrouille, disent-ils. Tu peux travailler. Nous allons nous amuser.